Les mortels passent leur temps à se justifier pour ce qu'ils disent ou font. Et souvent, ils le font en justifiant leur justification. Ce qui se résulte souvent au final par une accumulation de mensonges sans queue ni tête. Vous n'avez qu'à écouter les actualités quotidiennes. Moi, je dis ceci. Rien ne sert de courir, il faut savoir partir à point. Vous pourriez me dire que cela n'a rien à voir avec mon préambule, et vous auriez tout à fait raison. Et de plus, c'est totalement incohérent de dire cette phrase dans le contexte. Mais en contrepartie, je n'aurai jamais et absolument rien à justifier avec cet énoncé. Donc, voici mon conseil, je dirais même plus une prescription de votre bon docteur. Faites comme moi et racontez n'importe quoi, surtout des choses absurdes, et de cette façon, personne ne pourra vous accuser de quoi que ce soit, mis à part d'être cinglé. Et selon ce qui est écrit dans le plus grand best-seller de tous les temps, soit « Heureux les simples d'esprit », eh bien vous vivrez dans la joie perpétuelle de la stupidité. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque ses prescriptions sont périmées et qu'en plus, elles n'ont rien à voir avec le sujet à traiter. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Ghost Fear is my fucking business. We are undead, incorporated. Ghost Pendragon said so. Accept. Go. In the cool of the evening, when the fire stops.

ici Alex Nevsky et Pascal Bussière, porte-parole du festival Vue sur la relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Du 2 au 12 avril, 38 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène. Au Lion d'Or, au Cabaret du Myland, au Jésus et à la Sala Rossa. Billets à vuesurlarelève.com. Pour mieux vivre et mieux naître, commençons par Connaître ensemble, l'émission des étudiantes en pratique sage-femme de l'UQTR. Connaître ensemble, tous les mercredis de 10h à 11h sur les ondes de C'est fou. Écoutez-nous en rediffusion sur connaîtreensemble.com. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes dans la zone 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 8 avril de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je suis avec vous jusqu'à 21h. Après, je vais faire dodo. Mais évidemment pas. J'ai plein de... J'allais dire du pain sur la planche, mais c'est pas vrai, j'ai des cadavres sur la civière. Et avant qu'ils deviennent trop défraîchis, je devais procéder cette nuit pour en faire une saine boucherie. Nous venons d'entendre les formations suivantes. La formation canadienne Pile Driver et la pièce Sex with Satan qui est tirée du premier album paru de ce, à l'époque, One Man Band, soit Metal Inquisition, qui est paru en 1984 sur Cobra. Nous avions Anthrax et la pièce The Devil You Know qui est tirée de l'album Worship Music qui est paru en 2011. Sur l'étiquette Megaforce, dernière parution de cette formation américaine fait partie du Big Four. Anvil, autre formation canadienne, la pièce Axe to Grind, qui est tirée de l'album de 2007, soit This is 13, qui était paru sous une sortie indépendante. Metal Church et la pièce Close to the Bone, qu'on retrouve sur la dernière parution de cette formation, soit Generation Nothing, qui date de 2013 sur Rat Pack Recording. Et nous avions ouvert avec Accept et la pièce Pandemic que l'on retrouve sur Blood of the Nation, paru en 2010 sur Nuclear Blast. Quoi? Gustave? Hein? Ben où étais-tu, Gustave, tout ce temps? Quoi? Tu étais chez le Rockmaster. Et pourquoi? Ah! Tu dis que tu es allé saboter toute sa programmation de vendredi pour que tous les honneurs des bons choix musicaux me reviennent? Oh, ben quel gentil fantôme tu fais! Il dit qu'il le sait. Quoi? Ah, tu vas retourner pour t'assurer qu'il y ait vraiment juste des mauvais choix à passer vendredi? Ah, ben je te remercie beaucoup, Sav. C'est fort apprécié ce que tu fais. Maintenant, on va récurer la salle de bain. Et voilà. Quel gentil fantôme. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas eu de nouvelles de Gustave, mais maintenant, ça s'explique bien ce qu'il faisait. Il travaille pour moi pour que je retire tous les honneurs lors de Rock Classic de ce vendredi. C'est vraiment un chic, pas type, mais probablement qu'il a déjà été, mais c'est un chic drap, mettons. Ce samedi samedi dernier, j'ai eu l'immense plaisir d'aller voir le spectacle de Black Sabbath au Colisée de Québec qui mettait en vedette une réunion ma foi fort heureuse, soit celle de Ozzy Osbourne, Geezer Butler et Tony Iommi. C'était la tournée qui, bien sûr, se voulait suite à la sortie du dernier album 13, qui est paru un peu plus tard, en fait, je dirais tard, à la fin de 2013. Et ce fut un excellent spectacle, je dois le dire. J'ai été vraiment, mais vraiment agréablement surpris à tous les niveaux. Dans un premier temps, je dois dire que j'avais une certaine appréhension qui était quelle sera la qualité de vocal et la qualité physique, la forme physique de Ozzy Osbourne. Eh bien, c'était très bon, spécialement au niveau du vocal. Faut s'entendre, Ozzy a quand même 65 ans. Il a eu une vie, ma foi, fort mouvementée et agrémentée d'excès divers et je dirais d'excès. Donc, physiquement, Ozzy, c'est plus un coureur de marathon, quoique ça l'a jamais vraiment été, j'imagine. Mais c'est pas quelqu'un qui donne une prestation visuelle extraordinaire sur scène. Ce n'est pas quelqu'un qui va bouger de façon, je dirais, il bouge très mal. Bon, c'est ça, c'est vrai, il bouge très mal. Mais c'est tout de même un entertainer. Et puis, il réussit à faire ce qu'il veut avec la foule avec à peu près pas grand-chose. C'est-à-dire claquer des mains, sautiller un peu, puis dire qu'il nous aime tous, puis que Dieu nous bénisse. Ça, c'était correct. Mais vocalement, Ozzy l'avait. Et puis, c'était vraiment très surprenant parce que je me suis même demandé à un certain moment, mais j'ai dit, coudonc, il chante-tu vraiment live? Mais on voyait vraiment sur l'écran géant qui était à l'arrière de la scène, un écran HD, excellente définition, que c'était effectivement Ozzy qui chantait. Musicalement, c'était vraiment bon, vraiment bon. Butler et Iommi sont en forme, ils ont donné une excellente prestation. Le choix des pièces était parfait. Selon mon, à mon avis, parfait. Même qu'on a eu le droit d'entendre des pièces qui étaient très surprenantes comme Under the Sun, qui apparaît sur Volume 4. On a entendu Dirty Woman. Ils ont même fait, à certains moments donnés, ils ont parti Rat Salad, que l'on retrouve sur Paranoid. Et ils ont fait Rat Salad, qui était instrumental, pour faire le préambule au solo de drum de Tommy Clofetos, qui est un drummer, un batteur, si vous préférez, vraiment, là, d'une classe à part. C'est une machine, c'est vraiment un marteleur, mais d'une précision absolument hallucinante. Clofetos a fait partie, entre autres, de la formation de Ozzy Osbourne, bien entendu, de Alice Cooper, de Rob Zombie et de Ted Nugent. Donc, c'est pas un nouveau venu. Il est quand même assez jeune. C'est quelqu'un qui a dans la trentaine, et c'est quelqu'un qui a vraiment, mais vraiment une façon de jouer, là, qui est c'est un métronome, mais il était très spectaculaire dans son solo de drum, donc c'était vraiment très intéressant. Des bons choix de pièces, on a le droit à 4 pièces tirées du dernier album 13, on a le droit à des Fairies Wear Boots, on a le droit, bien sûr, à Iron Man, on a le droit à Into the Void. C'est peut-être le petit point un peu plus, je dirais, pas négatif, mais un peu moins bien, c'est que c'était la deuxième pièce parce qu'ils ont ouvert avec War Pigs, donc c'est une excellente pièce d'ouverture. Ils ont enchaîné tout de suite avec Into the Void et Ozzy a eu certaines misères à prendre le bon ton dès le départ. Mais ça s'est quand même replacé et par la suite, c'est devenu vraiment là, magique. Jeu de lumière, laser vraiment intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que justement l'écran géant qui était posé à l'arrière de la scène, qui prenait tout l'arrière-scène, était comme en trois sections. La section centrale et la principale, si on veut, je dirais en facilement la moitié de l'écran, c'était des prises de vue, close-up des musiciens et de Ozzy, bien entendu. Et de chaque côté, il y avait des bandes qui projetaient des clips, des vidéos, si on veut, des montages, des footage qui s'adressait directement à la pièce qui était choisie. C'était vraiment, vraiment bien choisi, justement. C'est le terme approprié. Donc, ça a donné une excellente soirée. Ils ont joué pratiquement 2 heures. Et il y avait 10 000 personnes qui ont assisté, du moins à Québec. Et je pense que les gens ont tous été charmés dans l'entier. La réponse a été excellente. Et c'était un bon public aussi, je dois le dire. Les gens ont vraiment bien embarqué. Ils ont bien répondu. Et ma foi, Black Sabbath, ce sont des vétérans, ce sont même des gens qui l'ont eu pas facile au niveau santé. Si on parle de Ozzy, bien entendu. Si on parle de Tony Iommi, bien sûr, qui est encore en rémission d'un cancer, d'une leucémie. Donc, je pense que ces gens-là sont de vrais professionnels. Et j'oublie de mentionner que Geezer Butler, c'est un bassiste absolument extraordinaire qui nous fait pas une prestance visuelle très marquante, mais c'est vraiment un bon joueur et c'est vraiment un bon joueur de basse et c'est vraiment très bien exécuté. Donc, une très belle soirée. Je pense que c'était Ryan Wolf qui ouvrait, je crois que c'était le nom, Ryan Wolf, formation de Seattle qui donne dans un blues rock. C'est dur un peu de se faire une opinion parce que le son n'était pas très, très bon pour cet opening act. Par contre, à certains moments donnés, j'ai apprécié le style un peu qui, par moment, pouvait se rapprocher, je dirais, un petit peu peut-être de Jimi Hendrix par le jeu de guitare, parce que c'est un trio du guitariste-chanteur. Ils ont fait une prestation quand même, je dirais, le fun à voir, de jouer seul avec sa guitare, de faire le vocal, d'avoir un bass drum et par la suite d'embarquer avec la guitare sur le drum. De s'accompagner au drum en jouant de la guitare, c'est quand même pas si mal, là. C'était intéressant visuellement à voir. Mais c'était dur de se faire vraiment une bonne idée parce que le son était pas vraiment bon. Par contre, à Sabbath, c'était impeccable. Donc, j'ai aucune idée de comment ça s'est passé hier parce qu'ils étaient au Centre Bell hier à Montréal. J'ai pas eu le temps de lire les critiques des journalistes qui ont probablement assisté au spectacle, là, je pense à la presse en compagnie et autres. Mais je sais que pour le spectacle de Québec, les journalistes étaient pas mal tous unanimes. C'était les grandes années de Black Sabbath. Donc, je suis vraiment, vraiment d'accord avec cela. Ceci étant dit, je vous disais la semaine dernière que je vous présenterais deux albums cette semaine. En fait, un album et demi, je dois dire. Ben, non pas parce que je vais vous les présenter dans leur entier, mais parce qu'il y en a un qui c'est vraiment un split CD qui comporte que 4 tunes. Ça, on y revenait tout à l'heure. Pour l'instant, je vous parle d'une formation qui vient de Tampa, en Floride, une formation américaine qui porte le nom de Massacre, qui en sont à leur troisième album. Formation qui existe depuis quand même, je dirais, un petit peu... Bon, 1984 est un peu moins que les mi-80, si on veut, qui en sont à trois albums. Bon, vous allez dire, c'est pas énorme. Oui, j'en conviens, c'est pas énorme, trois albums depuis le temps. Ils ont eu quelques pauses à travers Je perds les mots, moi, c'est incroyable. Je suis vraiment, mais vraiment plus bon à rien. À travers leur discographie, si je peux dire ici, leur carrière, voilà, à travers la carrière, seulement trois albums, c'est parsemé d'énormément de démos. Par contre, il y a eu quelques compilations, des hippies à travers ça. J'ai découvert cette formation il y a peu de temps, avec le dernier album qui s'intitule Back From Beyond, et j'ai vraiment accroché sur ce style-là parce que Back From Beyond, c'est un album, ben en fait, je peux pas vous dire si le groupe généralement est comme ça, mais cet album-là, ça sonne un peu à ce que Deicide peut faire et Vader. Donc, c'est un peu un mélange, si vous voulez. Je dis pas que c'est une copie. Vous reconnaîtrez pas textuellement et musicalement à la note ces deux formations-là, mais il y a de l'inspiration fortement qui est impliquée dans cette production-là. Et c'est vraiment bon. Honnêtement, c'est vraiment bon. C'est bien fait. C'est signé sur l'étiquette Century Media. Donc, j'imagine que si Century Media les a signés, il y a une raison à ça. Il doit avoir un minimum de qualité et je l'approuve. C'est un album sur lequel j'ai donné un 8 sur 10. On va écouter 4 pièces de Massacre tirées de Back From Beyond, soit As We Wait to Die, Ascension of the Deceased, Hunter's Blood et Darkness Fell. Donc, allons-y maintenant. Go! We'll be right back. Avril à 21h, le café-bar Le Zénob accueille Guerre en famille pour une première fois en spectacle à Trois-Rivières. Guerre en famille, c'est du reggae gypsy ska énergique issu d'un métissage unique. Pour une aventure musicale bien colorée, rendez-vous au café-bar Le Zénob le 12 avril prochain à 21h, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Steve devrait arriver tous les lundis, 10h. Des faits inusités, de la musique en tout genre et des critiques de films. Tout ça en compagnie de Rémi Marcotte, Anne-Marie Lemieux et peut-être même Steve. Cette année encore, les soirées cachées C'est fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est fou ou synthonisez le 89.1. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. C'est fou. 89.1. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et comme tout à l'heure, je suis encore Dr. Pain Pendragon. Je le suis minimalement jusqu'à 21h. Après ça, ben, je deviens quelque chose d'autre et puis c'est pas de vos affaires. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire 4 pièces tirées du plus récent album de la formation floridienne Massacre. L'album étant Back From Beyond. On a entendu les pièces Darkness Fell, Hunter's Blood, Ascension of the Disease et As We Wait to Die, qui sont respectivement les pièces de 2 à 5. Moi, j'ai trouvé ça super bon. J'espère que vous aussi, parce que dans le genre, ça fait vraiment effet. Là, c'est vraiment efficace comme matériel death metal, avec une petite tendance, je dirais, trash un peu, mais très bien dosé. Donc, bon vocal aussi. Ça réinvente pas la roue, évidemment, mais qui la réinvente aujourd'hui, ça, ce serait plutôt dur à dire. Donc, c'est une bonne formation américaine, et je pense que je vais aller scruter plus avidement ce qu'ils ont fait, en fait, les deux albums précédents, parce que, si c'est à la hauteur de ce qu'ils font présentement, ça risque d'être excellent. peu plus tard dans l'émission, après cette présentation que je vais vous présenter. Présentation, je vais vous présenter. C'est un pléonasme, ça. En fait, prochain album que je vais vous présenter sous peu. J'aurai une chronique cinéma, bien entendu, et musicale. Bien sûr, parce que j'ai vu des choses qui sont... Bien entendu, des choses qui sont relativement intéressantes. Mais avant, je vais procéder tout de suite à cette deuxième présentation qui est un split CD, si vous voulez. Mais en fait, ici, ce n'est pas un split CD, c'est plutôt un split vinyl. comporte deux formations, soit Acid Witch et Non-Slaughter. Je dis split CD parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu voir, la seule façon de se le procurer, c'est en vinyle. Mais en très belle édition, version gatefold, vinyle coloré. Et ce qui m'a accroché vraiment, je connaissais la formation Acid Witch, un petit peu moins Non-Slaughter, mais la pochette de cet album, de ce split CD, qui porte le nom de Spooky, est vraiment sublime. C'est une pochette qui rappelle énormément les magazines d'horreur des années 60 et 70, spécialement Creepy et Hairy, parce qu'ils sont fortement inspirés de la composition graphique de ces magazines-là pour faire la pochette de Spooky, et c'est très efficace, mais c'est vraiment très vintage, c'est tout à fait charmant. Donc, comme je le disais, formation Acid Witch, qui est une formation qui vient du Michigan, bien entendu, dans le coin du Danemark, plus précisément aux États-Unis. Je suis très calé en géographie. Qui donne dans un psychedelic doom death metal et qui se spécialise dans, le concept musical tourne autour de l'horreur, bien entendu, des drogues, de la sorcellerie, des sorcières, bien entendu. Ils sont signés sur le label Hell's Headbangers Record. Acid Witch ont présentement à leur actif deux albums complets studio, soit Witchtanic Hallucinations, qu'on aurait pu entendre par le passé ici à Réanimation. Sinistro, ça faisait un plaisir d'en faire jouer assez régulièrement. Et l'album Stoned aussi, qu'on aurait entendu à l'occasion ici, qui sont deux bons albums qui donnent vraiment une musique là, très... il faut savoir qu'Acid Witch, c'est comme un peu des hippies actuels qui sont probablement beurrés jusqu'aux oreilles, qui tripent sur l'horreur, qui tripent sur le psychédélique, mais qui font du métal. Donc, ça donne, je trouve que ça donne un mélange assez intéressant. Et ils sont accompagnés sur cet album par la formation américaine également, qui, elle, vient de Cleveland. Ça, c'est au Japon. Plus précisément aux États-Unis, encore, dans l'Ohio. Non-Slaughter, c'est une formation qui, elle, existe. En fait, je devrais vous dire qu'Acid Witch existe depuis 2007, donc c'est relativement jeune comme formation. Tandis que Non-Slaughter, ça existe depuis 87. Formation qui donne dans un death metal, ici aussi, à tendance, je dirais, horreur, puisqu'il traite de mort, bien entendu, de Satan et de l'anti-christianisme. Donc, Eux, tant qu'à eux, Non-Slaughter, ils ont pas énormément d'albums complets studio. Je m'aventurerais pas à dire qu'ils en ont jusqu'à trois. Et en fait, ils en ont trois. Ils ont énormément de EP. Ils ont énormément collaboré des split albums. Ils ont des albums live et des compilations. Je peux pas vous dire depuis 87 pourquoi il y aurait juste 3 à 4 albums là, mais c'est efficace aussi. Puis je trouve que le mélange, malgré qu'il soit légèrement je dirais pas aux antipodes là, parce que Acid Witch est quand même assez downbeat, tandis que Non-Slaughter c'est un petit peu plus musclé. Je trouve que ça se complète bien. Donc c'est pas compliqué. On va écouter, il y a seulement 4 pièces sur Spooky, soit 2 pièces d'Acid Witch et 2 pièces de Non-Slaughter. Acid Witch ouvre le bal et le ferme, et Non-Slaughter ont les positions 2 et 3 sur les plages. Donc on va l'écouter dans cet ordre: Evil de Acid Witch, Spooky Tales de Non-Slaughter, A Sordid Past également de Non-Slaughter, et on va clore le tout de Acid Witch avec Fiends of Hold. C'est étiquette Hell's Headbanger, comme je l'ai dit, et ça vient tout juste de paraître, puis c'est vraiment délectable. Donc, allons-y immédiatement. Bande d'enfoirés. Go. Don't creep me out. Just the whacking of a smoky tail. Promoters of Death Fest 1 say the heavy metal bands that are on the concert lineup are just that, fans, and not worshippers of Satan. Members of the Jackson for Jesus Committee say the music is fine, but it's the lyrics that talk of death and dying that has them concerned. So concerned that members came out to spread what they call a message about life. We love music ourselves. We've got a great thing going next weekend with a lot of Christian bands. It's the lyrics in the songs. I'm on the highway to hell. I mean, come on. I don't want to go there. And I don't want to see any of these guys go there. Acid Witch and Non-Slaughter, qu'on retrouve sur le très petit album Spooky, qui vient de paraître sur l'étiquette Hell's Headbangers. C'est deux pièces de Acid Witch et deux pièces de Non-Slaughter, donc dans le désordre, ou en fait dans l'ordre final dans lequel on l'a entendu, c'est Acid Witch Fiends of Hold, précédé de Non-Slaughter Assorted End. Également une autre pièce auparavant dans Starter, soit Spooky Tales, et en ouverture Acid Witch et la pièce Evil. J'espère que ça vous a plu. C'est assez dans Starter, c'est du très bon death metal. Acid Witch est un peu plus éclaté, c'est un peu plus fou, c'est un peu plus morbide, c'est un peu plus horreur, c'est un peu plus dément, si on veut. Moi, j'aime bien ça. C'est une atmosphère qui est intéressante, qui sort du commun. Donc Et la pochette, je vous le dis, elle est vraiment belle. C'est un article, je dirais, pour les amateurs, ça va devenir un article un peu de collection parce que le LP, si vous voulez, la version vinyle, Gatefold, avec l'album coloré, la présentation de la pochette, vous pouvez aller voir sur le site de réanimation. Vous allez aller directement vous linker à ça dans la section musicale. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de cool. Il y a des bébelles qui viennent avec, donc c'est vraiment le fun. Musicalement parlant, autre truc, eh bien, il y a eu la sortie de l'album This Is Your Life, qui est un tribute to Ronnie James Dio, qui met en vedette passablement de musiciens connus, dont Motorhead, entre autres, Metallica, bien sûr, Rob Halford, Anthrax et compagnie, qui reprennent les grands classiques de Ronnie James Dio, que ce soit dans sa carrière avec Black Sabbath, sa carrière avec Rainbow, sa carrière solo, entre autres. C'était bien fait. Je lui donne un 7.5 sur 10 parce que les reprises sont bonnes. C'était fait dans un respect du personnage, qui est quand même quelqu'un marquant au niveau de la scène du hard rock et du metal. Quelqu'un qui a amené beaucoup aussi, évidemment. On lui doit plein de trucs. Souvent les tributes, les albums tributes vont être corrects, mais ils vont avoir dénaturer un peu les pièces ici, je trouve que ce n'est pas le cas. J'ai en fait un highlight particulier peut-être pour la pièce de Anthrax, Kidney on Light, qui est une pièce de Black Sabbath qui apparaît, la pièce d'ouverture en fait de Heaven and Hell, sur laquelle évidemment chantait Ronnie James Dio. C'est bien fait, c'est correct, et puis ça rend bien, je dirais, hommage à ce grand personnage qui était Ronnie James Dio, défunt personnage bien entendu. Je vous le conseille, je donne un 7.5 sur 10, comme je l'ai dit. Autre truc que j'ai trouvé quand même pas mal bon, c'est une formation qui vient des États-Unis, qui porte le nom de Austrian Death Machine. Je ne connaissais pas cette formation. La dernière parution de cette formation qui donne dans un trash death metal. L'album s'appelle Triple Brutal. C'est paru sur Artery Recording. Écoutez, c'est relativement éclaté comme musique dans le genre. Ça me fait penser un peu à ce que Zimmer's Hole faisait. Formation qu'on a déjà vue, formation qui vient de l'Ouest canadien, qu'on a déjà vu un certain nombre d'années ici. Ça avait été booké par Jeff de Trois-Rivières Metal, entre autres, et c'est vraiment capoté, là, Zimmer's Hole. Mais Austrian Death Machine, je dis musicalement, parce que j'ai pas vu du tout de quoi il... C'est un one-man band, soit dit en passant. J'ai pas vu du tout qu'est-ce qu'il pouvait avoir à la live, s'il en fait. Mais ça rappelle un peu ça. C'est pas traditionnel comme trash death metal. Et c'est intéressant. J'ai donné un 7 sur 10. Je pense que c'est quand même suffisamment intéressant pour vous y attardiez. C'est seulement le troisième album. Par contre, dans un court laps de temps, je dois dire, ça fait pas des dizaines d'années que ça existe. Et puis, trois albums, je connais des bands qui en 15-20 ans ont fait moins que ça. Donc, c'est intéressant. La pochette est quand même bien. Ça peut être quelque chose à découvrir. La semaine prochaine, on va explorer ensemble le nouvel album de Triptychon, qui sortira le 14. Donc, présentement, il y a des pièces qui sont disponibles et j'ai commencé à faire une écoute, bien entendu, et j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Donc, Triptychon, deuxième album de cette formation qui, bien entendu, est le projet de Thomas Gabriel Fisher, si vous préférez Tom Warrior, lorsqu'il était avec Celtic Frost. Et c'est du dark doom metal. C'est bien fait. C'est pas hyper original, mais c'est vraiment correct et c'est honnête. Et dans ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, bien, on ressent un petit peu plus que dans le précédent l'influence qui... Ben, en fait, l'influence, pas vrai, pas l'influence, mais c'est qui l'a fait avec Celtic Frost. Ben, en fait, le son, au départ, oui, évidemment, mais peut-être plus présent, là, l'âme ou le, je dirais, l'âme de Celtic Frost, c'est vraiment le bon terme. Côté cinéma, oui, j'ai vu quelques trucs. J'ai vu des choses qui étaient ordinaires. J'ai vu des choses qui étaient même voire mauvaises. Je vais commencer avec quelque chose de vraiment moyen, très très très moyen. c'est The Legend of Hercules, qui est un film de Rennie Harlin. J'attendais ce film-là avec quand même un petit peu de curiosité parce que j'aime le style, en fait, l'appellation, officielle de ce genre de film-là qui vient des années 60 en Italie, c'est le Peplum. C'est des films qui, évidemment, tirent leur inspiration et leur scénario de l'Antiquité généralement. C'est un film d'action, d'aventure, si vous le voulez. Puis ça raconte l'histoire du puissant Hercule. Je dirais de façon quelque peu dénaturée, là. Écoutez, si Rennie Harlin avait axé son film, la qualité de son film, comme il l'a fait dans les séquences ou dans les passages où il y a des affrontements, des combats, le film aurait été bien meilleur. Parce que ça, c'est quand même assez bien fait et quand même intéressant comme séquence. Mais il a parsemé ça de quétaineries, comme d'histoires amoureuses qui n'en finissent plus à la Romain Arlequin. Ça, c'est vraiment très plate. Ça fait décrocher carrément du film. Et puis, je dois dire que les acteurs sont pas excellents. Hein. Fait que j'ai donné seulement 4.5 sur 10 parce que les séquences de combat sont quand même intéressantes. Les reconstitutions graphiques, c'est quand même pas mal, je dois dire. Ça donne quand même un bon aspect là, de ce que pouvait avoir là l'Antiquité. Quoique, moi, je suis pas allé, je pensais mieux pour ça. Là. Mais je pense pas que vous autres non plus, pour pas faire de comparatif réel. Mais ça donne quand même... un aspect qui est intéressant. Legend of Hercules, moi, personnellement, je vous conseille pas vraiment, à moins que vous aimiez vraiment, vraiment des combats qui sont épiques comme ça, parce qu'il y en a des quand même pas si pires, mais pas plus que ça. Autre chose, une série que je vous avais déjà parlé il y a quelques mois, j'avais pas eu le temps de regarder, une série d'aventures de pirates, c'est Black Sails, la saison 1, qui est en 8 épisodes. C'est de Robert Levine et Jonathan Eisteinberg. Ça met en vedette Toby Stephens, Luke Arnold et Hannah New. C'est une série qui est issue de Stars Channel. Et c'est vraiment très, très bon. C'est vraiment bon. Le contexte de l'histoire, c'est l'histoire du Captain Flynn, le fameux Captain Flynn, que l'on aura évidemment connu dans le roman de Louis Stevenson, soit L'île au trésor. Mais ça se passe 20 ans avant les événements de l'île au trésor. Donc, ça se passe à Nassau, qui est une île qui était, bien entendu, qui avait été prise aux Britanniques par les pirates pour en faire leur commerce et leur commerce vraiment qui était illégal. Et c'est une communauté, finalement, de pirates qui vont là pour vendre leurs marchandises, pour faire, bien sûr, la fête au bordel, pour boire du rhum à n'en plus finir, et bien sûr, se battre, et s'affronter entre eux autres, parce que les pirates ont plus ou moins de code d'éthique. Mais c'est vraiment bien, bien fait, parce que on voit vraiment, on connaît le personnage du Captain Flynn, pourquoi il devient ce qu'il est devenu. On voit aussi l'avancement du personnage de Billy Bones, ainsi que John Silver, qui deviendra plus tard Long John Silver. C'est vraiment bien fait, c'est rempli de détails historiques, c'est rempli d'intrigues, c'est admirablement bien joué par les acteurs et c'est très bien mené et l'ensemble de la présentation de la série est vraiment excellente. Je lui ai donné un 9 sur 10. Malheureusement, la deuxième saison n'est attendue qu'en 2015. Donc, il va encore couler de l'eau sous le pont avant qu'on puisse voir la suite. Par contre, il semble que la deuxième saison comportera une dizaine d'épisodes. Donc, il semble que l'engouement a été bon pour la première saison de Black Sails. Je vous le conseille de façon chaleureuse. Autre film que j'attendais, mais celui-ci vraiment avec impatience, j'avais vraiment, vraiment hâte de le voir, parce que le premier m'avait, et m'emballe encore toujours, il s'agit de 300, Rise of an Empire. C'est la suite du premier 300, en fait, qui est le remake d'un film des années 60, qui porte le nom de 300 Spartans. C'est un film de Noam Muraux et une collaboration de Zack Snyder, qui évidemment était l'instigateur du premier. Ça se passe après que les 300 Spartiates menés par le roi Léonidas aient voulu tenir bon aux portes chaudes pour protéger Sparte de l'invasion de Xerxès et de son armée monstrueuse perse. Et mais en fait, ça se passe après, mais on fait une récapitulation avant aussi pour en arriver au pourquoi que cette fois-ci, ce sont des Athéniens, non pas des Spartiates. Parce qu'il faut savoir qu'à l'Antiquité, les Spartiates de Sparte, évidemment, faisaient totalement bande à part de ce qui était la Grèce antique. Ils étaient même, voire craints du reste des Grecs, mais aussi très peu appréciés, voire méprisés, parce qu'ils étaient très militaires, si on les appelait ainsi. Ils étaient très draconiens dans leur façon de vivre, dans leurs mœurs, mais aussi dans leur façon de d'éduquer leurs enfants. C'était très apprendre à chaque jeune à devenir de parfaits guerriers pour défendre leur ville qui était si chère à leurs yeux. Donc il n'était pas question d'avoir des philosophes là comme Aristote et compagnie. Là. C'était complètement une perte de temps pour eux autres. C'était très spartiate. Maintenant, le qualificatif est appliqué comme étant très draconien, très militaire, très axé sur le combat. Donc, cette fois-ci, ça revient au général Thémistocle de vouloir défendre la Grèce parce que Xerxès a rien défendu et Léonidas, et ainsi de suite, va vraiment envahir. Écoutez, la base du scénario, moi, j'ai vraiment rien contre ça. Au contraire, je trouve que c'est fort passionnant. Mais ça a été amené d'une façon un peu mollassonne. Ceux d'entre vous qui ont vu 300 ont rapidement compris qu'il s'agit d'un film qui était vraiment, mais vraiment spectaculaire, beaucoup beaucoup percutant, des scènes de combat vraiment hallucinantes, beaucoup d'hémoglobine, c'était extrêmement violent comme film. Ici, on essaie de reproduire cet effet-là, mais malheureusement, comme je l'ai dit à certaines reprises, on ne peut pas refaire une deuxième fois ce qui a été un élément surprenant et percutant une première fois. L'effet est déjà passé. Donc, et c'est beaucoup plus fade, c'est plus effacé. Les personnages sont... Même Xerxès, qui est joué par le même acteur, a beaucoup moins de prestance dans celui-là. Celui qui joue Sullivan Stapleton, qui joue le rôle de Thémistocle, est peu crédible, je dois dire. Les combats sont beaucoup plus, rapides. On a moins l'impression d'y être impliqué, impliqué d'une certaine façon comme spectateur, d'y assister si on veut. Tout se passe beaucoup plus vite. Il y a moins de, on est moins attaché aux détails. Ça vient moins nous chercher au niveau du scénario. Puis en plus de ça, moi j'aurais pas pris le nom de 300 parce que ça fait vraiment référence aux 300 Spartiates. Et ici alors, on ne voit les Spartiates que dans les derniers à peu près 10 minutes du film, puis à peu près pas. Là, on voit la reine Gorgo qui est jouée quand même par Lena Headey, mais qui a un rôle très secondaire dans le film. Et puis ça l'a. Le terme approprié est beaucoup moins d'impact. J'ai été déçu. J'ai donné un 6.5 sur 10. Pour moi, c'est une note très décevante compte tenu que j'avais beaucoup d'espoir envers ce film. Il y avait eu quand même une bonne publicité qui était faite. Et les previews, c'est intéressant, mais c'est un film qui est très, très naval en plus. C'est axé sur les batailles entre navires. C'est long par moment. Donc, vous en faire une idée. Mais si vous avez été fan du premier, vous risquez fort d'être déçu. Film qui je conseille de revoir ou de découvrir. C'est un film de 1957. C'est un film d'un film de science-fiction, bien entendu, puisqu'il porte le titre de Incredible Shrinking Man, L'homme qui rétrécit, si vous préférez, qui est un film de Jack Arnold, qui a donné énormément à Jack Arnold dans les films des années 50 et 60, dans toutes sortes de... beaucoup dans la science-fiction, mais dans toutes sortes de trucs aussi, d'aventures, qui met en vedette Grant Williams. Et c'est fort original comme film, parce que c'est un homme qui est exposé à des rayons radioactifs et qui se voit rétrécir littéralement petit peu à petit peu pour jusqu'à devenir tellement petit que sa femme le perd et qu'il se perd dans son propre sous-sol de sa propre maison et qu'il devra affronter diverses choses pour survivre et s'adapter constamment à son environnement qui est totalement hostile. En fait, il y a une belle métaphore là-dedans qui est vraiment l'adaptation constante qu'on doit avoir là, généralement dans une vie. Mais ici, c'est bien fait. Faut pas s'attendre à avoir des effets spéciaux qui sont spectaculaires parce qu'on remonte en 1957, mais c'est fort intéressant comme film. C'est bien fait. C'est un film noir et blanc. Et puis, je crois pas que la couleur soit nécessaire dans ce film-là. Donc, moi, je lui donne encore un 8 sur 10. C'est disponible en DVD, en Blu-ray, bien entendu. La semaine prochaine, je vous parlerai de la 6e saison de Sons of Anarchy, qui est une saison, bien sûr, qui traite des motards et des magouilles entre eux, mais envers les autres aussi. Des jalousies et des complots. C'est une bonne série. C'est une série de FX Networks. Et les 5 premières étaient fort intéressantes. Donc, je vous parlerai de la 6e saison de Sons of Anarchy. Tout de suite, allons-y maintenant avec une... Ben, en fait, on va y aller avec une dernière portion pour cette édition de réanimation. On va y aller avec de la polka, de la valse, et peut-être même, si vous êtes gentil, une pointe de gigue irlandaise. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. On va y aller avec du death technique, du cyber, puis du débile. Allons-y tout de suite avec Aborted, Under Hurt, Roverland Soil. Go! We'll be right back.

20h54, l'émission tire réellement à sa fin. On vient d'entendre la formation Mastodon et la pièce Trilobite que l'on retrouve sur Remission. Première parution complète studio de cette formation qui donne dans un métal à forte tendance progressive. C'est paru en 2002 sur Relapse. Gojira auparavant, Adoration for None, qu'on retrouve sur The Way of All Flesh, qui paru en 2008, pardon, sur Listenable. Une ouverte avec Aborted, formation qui nous vient de Belgique, et la pièce Underneath Rowland Soil, que l'on retrouve sur Slaughter and Apparatus, a Metallical Overture, qui est paru en 2007 sur Century Media. Le temps de vous dire que cette semaine, ce vendredi 11 avril, ben c'est ça, c'est vendredi, ça, le 11, oui, je pense que, ben oui, ce vendredi 11 avril, au Rock Café Le Stage, ici à Trois-Rivières, 75 Rue Fusée, formation Unhurt, Hear My Words et All in Pain. Sur Rock Café Le Stage, comme je l'ai dit, l'ouverture des portes est à 19h, le spectacle à 20h, c'est pour tous au coût de 20$. Aussi, demain, BCI présente Decibel Magazine Tour 2014, mettant dans le ballet Carcass, Black Dahlia Murder, Gorguts et Noisem. C'est à 19h au Métropolis, au coût de 30,43 et 34,78 plus taxés pour tous via Ticketmaster. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je vous présenterai, on fera une incursion dans le dernier album de Triptychon. Et à peine le temps de vous laisser sur quelques notes, ou en fait, le maximum que je pourrais me permettre. N'aura pas de cyber metal, je n'ai pas le temps de vous le faire, mais on peut se laisser sur Strasbolt at Random, qui est une excellente pièce tirée d'album Nothing, et Nothing, c'est Meshuga. Je vous dis à la semaine prochaine, et bien entendu, n'oubliez pas d'être tous allés vous faire foutre, bande de petits enfoirés, 'cause I said so, see you, go! The world.